Chuck. Oh. Serge. Pas d'innocent, on a le goût du sang. Je connais ton destin, si t'es pas des nôtres, je redeviens gamin. Quand on est de sang, où la mort des uns fait le bonheur des autres. Quand t'as serré une main et t'as pris deux ans, ouvrant la porte, il nous reste à manger. Je suis dans le feu de l'action, je suis dans le feu tout court. On revient toujours sur les lieux du danger. Top départ, donne le go, ramène mon stand l'écuyer. Pour tout rond sur lui, lunettes aiguillées. Prêt pour appuyer, j'attendrai pas juillet. Un automatique pour tirer sous l'eau. Un frérot de ma clique pour faire le boulot. On te soulève sans cric, un magnum qui gifle, qui percute ton gifle, qui sort du rouleau. Je les ai sur les côtes, je les ai sur les eaux. Je traîne avec Karim là-bas, la France et zo. Il fait le compte de casse, on repasse le lendemain. 30 secondes montre en main, on remonte le réseau. Un rendez-vous sombre, l'équipe qui s'impose. Un tireur prend la pose, un 6 gros fané. Un Audi carrosse, un mort pour la cause. Glisse dans un tacos, une liasse et l'eau fanée. Gaffe. Bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté. Macaram sauce grégousse, on est bien d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Mais pour le produit qui vaut de l'or, on te les pousse. On lui prend ce qu'il a, après on le montrera. Chacun sa villa, après on comptera. J'rappe la guerre des gangs, j'rappe le flot des mers. On fait des showcases pour le prix d'un contrat. On braque le guichet, ouvre-toi ses armes. Tout le monde sait des hommes, mais pas tous prennent des armes. Le malheur des armes, la chaleur des sommes. Le sous-sol résonne, le seum engraine les armes. On dégaine sous stress, on allume sous peur. On ramène l'espèce, à deux son scooter. Il paraît qu'on pèse, qu'on dort mal à l'aise. Quand bouillave une obèse dans une mini Cooper. Ça parlera vite. Ça parlera drôle. Ils nous aiment pas, on les fera sans alcool. Tu choisis ta vie, le cœur et les yeux tournés vers la Mecque ou vers le pactole. Le froid, Bordeaux, Locos. Pas de mauvais sort, on a l'œil de Sauron. Survie c'est la loi, je mange dans tous les plats. Frère dans tous les cas, je me casse Imoro.